Bonsoir à vous tous qui suivez la radio Isanganiro et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 11 septembre. En voici les grandes articulations. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, s'indigne du récent rapport de la Commission d'enquête des Nations unies sur les violations des droits de l'homme depuis fin avril 2015. On fait le point tout au début de ce journal. La plateforme de l'opposition Sénared demande au commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine de laisser libre la Cour pénale internationale et enquêter sur les crimes commis au Burundi comme réclamé dernièrement par les experts de l'ONU. Excusez. Rentrée scolaire ce lundi, édition 2017-2018, des mesures du ministre burundais de l'éducation ont été mises en place concernant les écoles privées vis-à-vis des coiffures et accoutrements. Ces mesures ont été largement suivies. Vous suivrez les détails dans ce journal. 3 personnes sont déjà mortes sur 10. Sur 10 autres déjà atteintes de choléra sur la colline Kagwema de la commune Gihanga en province Bubanza. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Kimana à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Page droits de l'homme pour débuter ce journal. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qualifie de partial le rapport des experts de la Commission d'enquête des Nations unies chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises au Burundi depuis fin avril 2015. Dans un point de presse de ce lundi, le président de la CNIDH s'est indigné que la dite commission ait sorti un rapport sans consulter entre autres les autorités burundaises. Jean-Baptiste Barimonekeza appelle la Cour pénale internationale à abandonner l'examen préliminaire qu'elle a déjà commencé pour laisser la justice burundaise juger les cas de violence des droits humains qui seront retenus. Les détails avec Joseph Nsabiabandi. Le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi qualifie les faits considérés de crimes contre l'humanité. La CNIDH trouve que la démarche de la commission d'enquête ayant débouché à cette qualification relève de la précipitation. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme s'inscrit en faux contre le rapport de la commission d'enquête des Nations unies sur le Burundi. Selon Jean-Baptiste Balibonekeza, les experts de l'ONU ont travaillé essentiellement sur des allégations des réfugiés en faisant fi de ce que pouvaient dire les autorités du pays et les organisations œuvrant sur le sol burundais. Il s'étonne que le même rapport charge les autorités publiques sans faire mention des violations commises par l'opposition. La CNIDH déplore que la commission d'enquête se refuse d'examiner et de fournir des informations détaillées sur les violations et atteintes des droits de l'homme commises par ce qu'ils appellent des groupes armés d'opposition. Il nous semble surprenant que les experts n'aient pas pu avoir accès à des informations qui sont pourtant dans le public, concernant notamment les attaques à la grenade dans les lieux publics comme les bars et les marchés, qui ont pourtant été revendiquées par certains politiciens. Par ailleurs, la commission d'enquête ne peut pas prétendre ignorer les assassinats et autres attaques ayant visé des autorités ou des personnes civiles, notamment le meurtre par calcination d'une personne perpétrée à Nyakawiga en date du 7 mai 2015. Comme réponse à la partialité des experts des Nations Unies, le président de la CNIDH recommande à l'ensemble de la communauté internationale de réserver une considération limitée à leur rapport. Il estime que la Cour pénale internationale devrait laisser la justice burundaise juger les violations des droits de l'homme commises sur le sol burundais. Au Conseil des droits de l'homme, la CNIDH recommande de ne pas considérer le rapport de la commission d'enquête comme un rapport final et concluant, mais plutôt comme une invitation au dialogue sur son contenu. À la commission d'enquête elle-même, nous recommandons de respecter le principe de la présomption d'innocence à la Cour pénale internationale, la CNDH recommande de clôturer l'examen préliminaire entamé le 25 avril 2016 sur la situation au Burundi avec une décision permettant de laisser à la justice burundaise l'opportunité de s'occuper de toutes les plaintes concernant les crimes pouvoir avoir été commis au Burundi. Vous saurez que pour l'an 2016, la CNIDH avait documenté, entre autres 340 atteintes à la vie, 68 cas de torture et plus de 1700 arrestations arbitraires. Mais rares sont les auteurs de ces violations qui ont répondu devant la justice. Joseph Nsabiabandi, la plateforme de l'opposition en exil Sénarède, demande au commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine de laisser libre la Cour pénale internationale enquêtée sur les crimes commis au Burundi, comme réclamé dernièrement par des experts de l'ONU. Le rapport ne montre pourtant pas le rôle de l'opposition dans les crimes évoqués par la commission onusienne. Charlène Dittigé, président du Sénarède, apprécie le contenu du rapport. Il affirme que tout individu doit répondre de ses actes, même s'il advenait qu'il soit de l'opposition. Pour lui, le gouvernement n'a pas ouvert les portes aux enquêteurs onusiens. Il devrait donc accepter le rapport. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Léonce Vitalio. Le gouvernement ne peut en aucun cas évoquer sa propre stupide, comme on dit, parce que le gouvernement, s'il estimait qu'il y a des gens de l'opposition, d'autres catégories non commanditées par lui, qui auraient commis des crimes, il aurait ouvert grandement les portes et donné des pistes d'investigation à ce commissaire qui avait été mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais vous allez constater que le gouvernement a refusé tout contact, toute entrée de ces commissaires sur le territoire burundais parce que précisément il avait peur que, étant sur le terrain, ces commissaires puissent investiguer davantage et découvrir même d'autres crimes qu'ils n'ont pas pu identifier faute d'être présents sur le terrain. Donc c'est le gouvernement, c'est ce qu'il a fait, qui a refusé que ces gens se rendent sur le terrain. Mais s'il advenait que l'opposition se soit rendue coupable pour des violations des droits de l'homme, est-ce qu'elle serait prête à répondre? Au Sénarède, on ne protège personne. Un criminel, c'est un criminel. Ce que nous souhaitons, c'est que tous les auteurs ou tous les prisonniers auteurs de quelque crime que ce soit identifiés et soient traduits devant les juridictions compétentes et qu'ils soient jugés conformément à la loi. Ce que nous souhaitons. Vous vous insurgez dans votre communiqué contre les déclarations d'Osmaël Tchergui, commissaire à la paix et la sécurité au sein de l'Union africaine. Pourquoi? Non seulement nous nous insurgeons contre cette déclaration, mais nous sommes choqués, d'autant plus que c'est ce même monsieur qui avait pris les devants pour proposer ce conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui avait proposé que l'Union africaine envoie la Macrobou pour venir protéger la population. On se demande où est l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a déjà fait par rapport à ces graves violations des droits de l'homme qui sont commises au grand jour. Qu'est-ce que vous demanderiez de façon générale? Nous demandons que la Cour pénale internationale puisse passer à l'étape suivante, à savoir celle des enquêtes proprement dites pour que ces auteurs, ces prisonniers auteurs puissent être connus et traduits devant la Cour pénale internationale pour qu'ils répondent de leur forfait. Et nous demandons à l'Union africaine de ne pas s'interférer dans le travail de la CPI, mais plutôt de le soutenir au niveau de sa crédibilité. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal par la page éducation rentrée scolaire ce lundi pour l'année scolaire 2017-2018. Eh bien, des milliers d'élèves écoliers du Burundi ont repris le chemin de l'école après deux mois de vacances. Une rentrée qui s'effectue après une série de mesures prises par le ministère burundais de l'Éducation. L'une de ces mesures est l'harmonisation des coiffures chez les filles des écoles privées ainsi que l'accoutrement sur certaines écoles où le radio Isanganiro est passé ce lundi. La mesure a été largement suivie, comme nous le rapporte Florence Ndeiragije, stagiaire à notre station. À l'Institut de télécommunications électroniques et informatiques et téléthiques en sigle, les élèves et surtout les filles se sont tenus à l'ordonnance du ministère de l'Éducation. Comme nous l'avons vu pendant la récréation, il se remarque que certaines filles comprennent la mise en application de cette décision et les autres ne comprennent pas. Cette décision est aussi mise en application à l'école des techniques commerciales et côté où le directeur de cette école fait savoir qu'il salue cette décision car ça va aider pour l'éducation des élèves. D'abord, je dois dire que nous saluons cette mesure du ministre, donc son nouveau règlement régissant l'éducation, la conduite dans les écoles, parce que ce règlement nous aide à pouvoir régler un certain nombre de problèmes qui se posaient quand on devait s'occuper de l'éducation, du comportement des enfants. Donc ce règlement qui est uniforme vient nous aider à accomplir convenablement notre tâche d'éducateur. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée scolaire. Les élèves sont venus. Certains étaient au courant de l'existence de la nouvelle loi. D'autres n'étaient pas au courant ou d'autres en savaient quelque chose, mais partiellement. Alors, nous avons juste aujourd'hui commencé à expliquer le contenu de ce règlement. La première chose que nous avons fait, c'est que nous avons photocopié le règlement et nous l'avons affiché. Deuxièmement, le préfet de discipline est entré dans les salles de classe pour expliquer certains des articles qui pouvaient porter confusion, surtout pour les élèves qui croyaient que l'établissement privé était, donc le règlement dans l'établissement privé pouvait se permettre de ne pas respecter ce règlement totalement. Nous leur avons dit que c'était impossible, notamment pour l'article 12, ce qui concerne surtout le maquillage, la tenue des élèves, tout ce qui comporte l'aspect physique et l'apparence des élèves. Nous leur avons dit qu'ils doivent se conformer au nouveau règlement. Signalons que cette ordonnance ministérielle interdise les filles de porter de courtes jupes, les cheveux longs, le maquillage et de porter de boucles d'oreilles. Florence Ndeiragidje, stagiaire à la radio. Isanganiro, page 103, 3 personnes sont déjà mortes parmi 10 autres atteintes de choléra sur la colline Kagwema de la commune Gihanga en province Bubanza. Les habitants en appellent le bienfaiteur d'aider dans l'adduction d'eau potable puisqu'elle utilise l'eau sale de la rivière Rusizi. Les responsables sanitaires indiquent qu'ils attendent encore les résultats du laboratoire pour infirmer ou confirmer s'il s'agit du choléra ou non. Et bien, le laboratoire de référence INSP vient d'annoncer les résultats positifs des cas traités. Les équipements insuffisants, les connaissances théoriques et pratiques sont surtout les causes de décès des patients dans un bloc opératoire. C'est du moins le constat de Gilles Eloi Guibouka, représentant légal des techniciens supérieurs anesthésistes, réanimateurs pour la promotion de la santé. Dans un atelier de formation sur une anesthésie et chirurgie plus sûre ce lundi, cet anesthésiste a en outre indiqué que le décès d'un malade incombe à toute l'équipe chirurgicale, étant donné que c'est un travail multidisciplinaire. Suivez-le au micro d'Evrard Havialiman. Il y a des, on voit des décès au bloc opératoire. Là, au bloc opératoire, c'est une équipe multidisciplinaire. Il y a le chirurgien, il y a l'anesthésiste, il y a les instrumentistes, il y a même les infirmiers du bloc. Quand il y a une bonne cohésion entre cette équipe et une bonne communication, on peut gérer toutes les complications possibles. Quand un patient trouve la mort, alors, dans le bloc, d'aucuns disent que c'est la faute de l'anesthésiste. C'est un défi qu'on a en tant qu'anesthésiste, mais ça dépend de pourquoi de la survenue du décès. Le décès peut survenir soit du manque d'équipement ou soit de la mauvaise surveillance, un anesthésiste qui n'est pas vigilant. Parce que ça, dans le bloc opératoire, on est dans un milieu qui est un peu stressant. Le patient est entre la vie et la mort, je peux dire. Pour dire que c'est la faute de l'anesthésiste, c'est trop dire, mais ça dépend de ce qu'il a comme moyen d'utilisation. Donc, la connaissance théorique, ses connaissances pratiques, les moyens, les équipements qu'il a. Parce qu'il peut survenir une complication, il n'a pas étudié ça. S'il n'arrive pas à gérer la complication, je ne dirais pas que c'est de sa faute, mais c'est du manque de connaissances. Ou bien, l'équipement qui n'est pas disponible. Par exemple, si un patient a une fibrillation ventriculaire, dans la plupart de nos blocs ici, on n'a pas de défibrillateur. Donc, pour pouvoir gérer cette complication, c'est presque impossible. Donc, ce n'est pas la part de l'anesthésiste. Il est au courant et il sait comment pouvoir gérer cette complication. Mais, du fait du manque de matériel, il ne peut pas gérer ça. Parlons justice transitionnelle à présent. La Commission Vérité et Réconciliation a organisé ce lundi un atelier envers les représentants des corps de force et de sécurité sur la gestion des mémoires blessées. Le représentant de l'organisation Action pour le dialogue humanitaire, co-organisatrice de cet atelier, Freddy Mourikiye, a indiqué que le rôle de ces forces est primordial dans le travail de la CVR, mais les médias privés ont été empêchés de continuer à suivre ces travaux. Parlons pénurie d'essence dans la ville de Lumonge et ses environs depuis ce dimanche. Certains des transporteurs commencent à revoir à la hausse le prix du ticket de transport jusqu'à 1 000 francs par personne. Et les pêcheurs redoutent une reprise pénible de leurs activités, nous rapporte Jean-Pierre Missago. Sur les 7 station-service qui distribuait habituellement de l'essence dans la commune Rumongue. Aucune n'en dispose depuis ce dimanche. Ce lundi matin, une longue file de véhicules et de motos était observable à une station de la plage de pêche de Rumongue qui n'alimente normalement que les pêcheurs et qui venait de passer plus de deux mois sans servir, selon Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Certains des chauffeurs qui ont tenté de s'approvisionner à cette station ce lundi matin sans y parvenir disent que l'essence était distribuée en bidon à 50 000 francs burundais, en bidon de 20 litres. Ceci a entraîné une hausse de prix du ticket de transport de l'ordre de 500 à 1000 francs burundais par personne sur les axes Rumonge-Bururi et Rumonge-Bujumbura. Ici, des passagers nombreux se bousculaient pour avoir une place à 5 000 francs burundais au lieu des 4 000 francs burundais par personne en temps normal. Les passagers demandent au gouvernement burundais d'intervenir avant qu'il ne soit tard et les pêcheurs craignent que leur activité, qui allait reprendre dès ce lundi après un arrêt obligatoire d'une semaine, ne s'arrête si cette pénurie d'essence venait à perdurer, mettant ainsi en difficulté tous ceux qui vivaient de la pêche. Certains pompistes interrogés disent attendre l'arrivée de ce produit sans préciser le jour. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Et tant qu'on y est, le ministère burundais de l'énergie et mines vient de sortir un communiqué de presse dans lequel il indique que suite aux perturbations constatées depuis vendredi 8 septembre dans la distribution du carburant de type essence aux différentes stations-service du pays, plus particulièrement à Bujumbura, il annonce que l'état des stocks du carburant de type essence au 6 septembre montre que ce produit est disponible sur le territoire burundais et rien ne pourrait justifier une telle situation à peine deux jours après ce constat. Le ministère burundais de l'énergie et mines indique en outre que toute forme de spéculation et de fraude sera sanctionnée conformément aux règlements en vigueur. Et le ministère sollicite encore une fois les forces de l'ordre et de sécurité à lui prêter main forte comme toujours afin que la distribution des produits pétroliers se fasse normalement. Autre pénurie, c'est la pénurie des produits Brahoudi en province Bubanza depuis bientôt une semaine. Ce dimanche, les commerçants qui en avaient rehaussé le prix jusqu'à 300 francs par bouteille. L'administration provinciale met en garde ces commerçants qui fixent des prix contraires à ceux de la Brahoudi. Les détails avec Spes Caritas Cabagnana. Une bouteille de Primus qui coûte normalement 1400 francs s'achetait à 1500 ou à 1600 francs ce dimanche dans différentes localités de cette province, comme à Gihanga et dans différents villages de cette commune, à Moussegni, en commune Manda et dans d'autres localités. Une bouteille de Nyongera s'achetait à 1200 francs. C'est au moment où la Moussel a presque complètement disparu dans la plupart de bistrots, les commerçants qui parviennent à en avoir le vendent à 2200 francs ou à 2300 francs selon certains consommateurs contactés. Il y a donc une semaine que ces produits Brahoudi sont en petite quantité dans tous les dépôts, de façon qu'un détaillant qui veut acheter un casier de Primus, par exemple, ne peut pas en avoir sans laisser quelques sous au vendeur, ou tout simplement, il est obligé d'acheter aussi des Fanta qui sont en grande quantité, mais avec peu d'acheteurs. Le conseiller économique du gouverneur de Bubanza reconnaît qu'il y a pénurie de ces produits Brahoudi dans plusieurs localités de cette province, mais il précise que les prix qui ont été fixés par la Brahoudi n'ont pas encore changé, raison pour laquelle il met en garde ses commerçants qui fixent des prix comme ils l'entendent, qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi. Point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Akimana qui en assurait la mise en onde. Une excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.